Tous les dimanches dès 15h, l'émission Les Oreilles Ailleurs vous est offerte par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Avec une cuisine aux saveurs d'ailleurs, ouverte sur tous les horizons du monde, ses soirées musicales thématiques, ses mardis swing et ses concerts découvertes du samedi. Le Café Babylone, laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier Est, cafébabylone.com. Nous y sommes aux Oreilles Ailleurs. C'est Michel Monette qui est au micro. La semaine passée, je vous ai présenté en début d'émission une jeune chanteuse norvégienne du nom de Kaja Gunnufsen. Je vous ai présenté trois pièces qu'elle a disquées en 2013 parce que elle n'avait pas encore d'album et elle avait quand même en disqué quelques pièces. Eh bien, cette semaine, dans sa page Facebook, elle nous annonce que son album va sortir le 7 mars prochain. Retenez ce nom, Kaja Gunnufsen. Attachez vos tuques. Ça va brasser. C'était Rock'n'Roll on the New Long March. C'est une pièce qui a été composée par Swetchan. Et c'est tiré d'un album paru en 2005, un album qui s'intitulait Who is Swetchan? C'est un hommage qu'on voulut rendre à un certain nombre de groupes d'artistes chinois. Alors, qui, dans le cas du groupe que vous avez entendu, il s'appelle Reflector. C'est un groupe punk, c'est un groupe qui a émergé dans les années 90. C'est pas évident, c'est pas simple, c'était pas évident à l'époque, celui un peu plus aujourd'hui, de faire du rock. Bon, aujourd'hui, on peut écouter du rock sans problème en Chine, mais à l'époque, au début des années 90, et encore plus dans les années 80, dans les années 70, on n'en parle même pas, c'était carrément interdit, mais c'était pas évident de jouer du rock'n'roll et d'écouter du rock'n'roll. Sweet Chin est considéré par plusieurs comme le père du rock'n'roll chinois. Lui-même est un petit peu agacé par cette appellation qui lui est collée, mais il doit être un peu aussi flatté de voir que plusieurs groupes, plusieurs chanteurs chinois le reconnaissent comme étant celui qui a enfanté du rock en Chine. C'est un musicien issu de la musique classique. Il a appris la trompette avec son père. Il a joué même dans un orchestre philharmonique, je crois, de Pékin. Dans les années 80, il est né en 1961 et à un moment donné, il a découvert WAM, il a découvert différents groupes occidentaux et puis il s'est acheté une guitare, il s'est mis à gratter la guitare et avec des amis, il s'est mis à jouer du rock, il a formé un band et puis sa carrière a été lancée comme ça, mais sa carrière a vraiment pris tout un tournant en 1989 sur la place Tiananmen. Parce qu'il est allé jouer avec son groupe de l'époque, son band, il est allé jouer sur la place Tiananmen en juin 1989. Si vous vous rappelez, juin 1989, c'est l'équivalent, disons, du printemps arabe ou du... C'est vraiment une espèce de vent renouveau, une volonté de la part des étudiants chinois de réformer cette société complètement sclérosée, cette société aussi où il y en a encore beaucoup, mais il y avait beaucoup de corruption, mais aussi où on n'était pas tout à fait libre de faire et de dire ce qu'on voulait. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques pièces de Sweet Chin. Vous allez voir tout son talent parce que c'est quelqu'un qui mélange le rock avec le jazz, le hip-hop, le funk, bebop, enfin, etc., etc., et qui ajoute à ça des instruments chinois, qui ajoute à ça même à certaines allusions à des arts chinois, mais c'est pas du tout de la musique, c'est pas du tout la world music, là, c'est vraiment pas, c'est du rock, mais c'est du rock à la chinoise. Mais avant de vous présenter deux premières pièces de Sweet Chin, je vais quand même faire jouer une autre pièce qui était sur l'album de Who is Sweet Chin de 2005, d'un groupe qui s'appelle Pop Time. C'est un groupe qui a émergé en 2002. C'est un groupe qui fait du bon rock'n'roll, mais là vous allez voir, c'est assez intéressant de la façon dont il réinterprète une chanson qui a été vraiment une chanson très très marquante dans la carrière de Sweet Chin, qui s'appelle The Piece of Red Cloth. Il faut voir Sweet Chin avec un bandeau rouge sur les yeux chanter cette chanson qui dit à peu près ceci: vous m'avez mis un bandeau rouge sur les yeux et vous m'avez demandé d'être heureux. Vous savez, les Chinois, ils sont tout en nuances comme ça. Parfois on pense qu'ils veulent dire quelque chose, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est assez évident ce que ça veut dire. Donc, on écoute Pop Time dans A Piece of Red Cloth. got somebody else, say to run it today. The push today, today, the one seat today. The one somebody else, say to run it today. The push today, today, the one seat today. The one somebody else, say to run it today. The push today, today, the one seat today. The one somebody else, say to run it today. The push today, today. 'est pas pour rien que j'ai fait jouer ces deux pièces tirées de l'album Who is Switchin. En fait, c'est possiblement les deux meilleures de l'album. Les autres sont plus ou moins bonnes. Mais c'est parce que je voulais vraiment vous montrer le contraste entre le Switchin qu'ont voulu honorer cet album, qui est le Switchin des débuts de sa carrière, avec celui que vous allez entendre maintenant. Je vous laisse avec deux pièces tirées de deux albums, un qui s'appelle Balls Under the Red Flag, qui est paru en 1994, et un autre Show Your Color qui est paru au début des années 2000. On écoute d'abord Balls Under the Red Flag. Je vais finir par l'avoir, je m'excuse. 是不闪了，真不知是何心，到底哪个

on a décidé de l'inviter. Et lui, il a dit, oui, d'accord, je veux bien, mais à une condition, c'est que vous ne censuriez aucun de mes propos. Et là, on lui a dit, non, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vous laisser chanter, vous laisser dire ce que vous voulez, il faut qu'on sache d'avance ce que vous allez dire. Eh bien, il a dit tout simplement, merci, il a refusé. On va écouter deux autres pièces de Che Chuan tirées d'un album paru en 2013. C'est The Third Son of China qui ramasse un peu. Là. C'est une compilation de différentes chansons parues à différents moments dans la carrière de Che Chuan. On va écouter d'abord Fake Monk et ensuite Wild in the Snow. Bon rock'n'roll comme on l'aime, mais avec une touche chinoise, ce qui est assez ironique dans le cas de Cui Chen. Ça s'écrit en passant C-U-I-C-I-A-N si vous cherchez l'artiste, mais vous le savez, tout ça va être mis sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net d'ici la fin de la journée. Tout ça va être probablement d'ici le début de la soirée, tout ça va être sur le blog de l'émission, tous les titres aussi, quelques liens, donc quelques références dont je vous ai parlé pendant l'émission. Ce qui est assez ironique, donc, c'est que Cui Chen s'est beaucoup battu pour être libre de dire ce qu'il pensait sans subir de pression, de censure de la part des autorités chinoises. Et aujourd'hui, il se bat contre pire que la censure, enfin pas vraiment pire, parce que rien de pire que de priver les gens de liberté. Mais il se bat contre le fait que les musiciens de plus en plus vendent leur âme à l'argent, vendent leur âme au capitalisme. C'est bien pour dire. On va terminer cette émission avec un dépaysement encore plus grand. On va rester en Chine, mais un dépaysement encore plus grand. C'est un groupe qui s'appelle Dawangang. C'est un groupe Dawangang, c'est D-A-W-A. N-G-G-A-N-G. C'est un groupe qui a été créé par Song Yuzhe, Y-U-Z-H-E, un musicien éclectique du nord-est de la Chine. Eux, ce qu'ils essaient, c'est de faire de la musique expérimentale. Mais comme ils disent, ils n'ont pas vraiment de message particulier à livrer, sinon que de faire connaître, toutes sortes, une autre facette de la culture chinoise avec beaucoup de d'arrière-plan ethnique, d'essayer aussi de créer une nouvelle musique en mélangeant toutes sortes de styles musicaux. Et ce qu'ils veulent faire, eux, c'est vraiment de faire connaître leur musique, de jouer de la musique. L'ironie qui se poursuit. On va écouter deux pièces. Four Children de Dawangang, pardon. C'est tiré d'un album qui s'appelle Wild Tune Stray Rhythm, R-H-Y-T-H-M. C'est un album qui est paru en 2013. On écoute Four Children de Dawangang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 请来的亲吻，前些年的和尚不好找，不好找，溜到库尔的大城，诺言比纸还轻，想听句知心的话儿，闹不成，闹不成。 山里我的王子山起鸟来， 扑棱棱，扑棱棱，扑棱棱，扑棱棱，扑棱棱。扑棱窜出鱼，呲哩哩哩哩哩，呲哩哩哩哩哩，呲哩哩哩哩哩。鹰斗翅膀是放松，再送句咒语给你，嗡僧嘎一僧音，手里面七张琴弦，扔扔扔扔。 C'était Dawangang for Children, c'est tiré de l'album Wild Tunes Stray Rhythm. C'est dans les semaines qui viennent, c'est notre Radioton 2014, c'est les 4, 5 et 6 avril le Radioton. Et dans les semaines qui viennent, nous sollicitons votre appui par un don pré-Radioton ou en renouvelant votre carte de membre CKRL. Tournée vers l'avenir, c'est le Radioton 2014. Et encore aujourd'hui, votre soutien au 89.1 demeure essentiel. Alors, vous pouvez faire un don pré-Radioton, c'est 20$ ou plus. Vous pouvez aussi faire une relance de votre membership, c'est 25$. Posez un geste de soutien avant vendredi le 4 avril, 17h, et vous allez courir la chance de gagner le prix spécial don prix Radioton et le prix spécial Membership.